Amis aventuriers, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonsoir à tous. On se retrouve aujourd'hui pour les traiter des épisodes 4 et 5 de Koh-Lanta. Je suis aujourd'hui avec Lucas. Salut Lucas. Comment ça va Franck? Bah ça va très très bien, et toi? Plutôt bien, bon, je m'excuse. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Ouais, ça va faire 3 semaines en fait, nous, du coup. Ah, mais c'est ça, tout à fait. Après l'épisode absolument incroyable que vous avez fait avec Louis. Oh ouais, laisse tomber. C'était l'épisode combien? 3? Bah c'était le nombre de pintes de bière qu'on avait bu avant de le faire. Louis qui ne sera pas là avec nous aujourd'hui, et c'est bien dommage parce qu'on avait un énorme programme à lui proposer, puisqu'il devait nous faire les 2 minutes. Puisqu'aujourd'hui on deux va minutes, traiter. 2 minutes d'Ali Baba. Très bonne référence. 2 minutes d'Ali Baba. François Pérouse. Allez, on va traiter aujourd'hui des épisodes 4 et 5 de cette saison de Koh-Lanta au Fidji. Énormément de choses, reconstitution des équipes, des engueulades autour de Victoire, des gens qui sont pas contents, des découvertes sur l'île perdue, des conforts et des épreuves qui se ressemblent encore et encore. Est-ce que tu es prêt? Et écoute, je suis prêt. Alors, c'est parti pour l'épisode 4. L'épisode 4 s'ouvre, alors, comme à l'habitué, hein, maintenant, je crois que j'ai regardé, hein, j'ai le temps de me faire à la manger et de retourner dans mon canapé, que le générique et le résumé de l'épisode précédent ne sont pas encore terminés. C'est-à-dire... Limite, la prochaine fois, ils mettront de la pub après le résumé. ça sera parfait. Tiens, premier jeu, que s'est-il passé dans le résumé de l'épisode? Ça serait sponsorisé par William Sorin. Ça serait tellement possible. Non, mais effectivement, donc globalement, on s'ouvre quasi toujours maintenant sur une épreuve. Et là, en l'occurrence, il me semble que ça a été le cas, vu que immédiatement, sur les îles, les candidats ont reçu un papier leur disant « Ça y est, c'est maintenant, vous allez faire une épreuve, c'est le moment de reconstituer les équipes. » Je sais plus si on leur dit qu'il va y avoir une épreuve, en fait. Ah, c'est peut-être pas, ouais. On leur dit, venez là. Bah, de toute façon, quand ils arrivent, Denis leur dit « Les amis, aujourd'hui... » Hop, celui qui gagne, il devient le capitaine d'une équipe. Boum. Donc, épreuve individuelle. Alors, qu'est-ce que c'est l'épreuve? Avec que les... C'était ce qui est important de préciser, c'est que c'était que ceux qui étaient allés sur l'île du Paradis Perdu qui participaient à l'épreuve. Il y en a... Donc, il y avait Mélanie, Maxime, Romain, André et Théotime. Et donc, normalement, il aurait dû en avoir 6, mais le 6e, c'était Thomas qui était parti sur abandon médical et tout ça. Du coup, ouais, donc il se retrouve à faire une épreuve à 5. Il leur dit, donc, les 2 premiers seront capitaines des équipes. Et le dernier sera éliminé. Donc là, c'est la panique. Là, vraiment, un coup de stress direct. Tu vois, là, plus personne ne rigole, tout le monde est en PLS. Surtout quand on voit ceux qui sont alignés, on se dit, putain, on les aime bien. Ouais, en plus, ouais, c'est vrai que c'est des bons. Et donc l'épreuve, c'est encore un puzzle. Ils doivent, en gros, ils ont des pièces qu'ils doivent accrocher. Donc, en fait, ils doivent les pendre. Il y a des cordes avec des pièces de bois dessus. Ils doivent les pendre à un espèce de... Quoi, comme un pendu, quoi. Et reconstituer un truc de chauve-souris. Je crois pas qu'ils aient de modèle. Non. Voilà, non. Je sais plus comment ça se passe. Bah, ils se démerdent pas trop mal. Il y en a juste 2 qui se trompent de sens. Ils mettent pas les ailes du bon côté, mais ils corrigent les trucs. Et c'est Mélanie qui gagne, déjà, en première. Après, c'est Maxime qui se rend compte qu'il a interchangé les 2 ailes des chauves-souris. Et après, il reste André, Romain et Théotime. Ouais, il y a un duel de ouf à la fin, Romain, Théotime. Ça joue vraiment à pas grand-chose. Et Théotime est éliminé. Et voilà, tristesse. Et là, voilà, bah, le groupe de Marine et les Chipmunks, là... tombe en larmes. Oh putain, on aurait pu faire un truc grand, tu vois. Enfin, c'était comme un frère, tu vois. Ça fait 10 jours que je le connais, mais c'est comme si ça faisait toute la vie. Franchement, là, j'étais bon. J'étais un peu mal à l'aise. Enfin, je trouve ça rigolo, je trouve ça ouf en fait qu'ils aient lié des liens aussi forts. Ah ouais. Mais je le comprends pas en fait. Tu vois, genre ça me fait cringer de ouf. Je suis en mode j'ai envie de relativiser le truc. Je dis attends mec, c'est bon. Enfin, c'est pas si grave quoi. Bah s'ils s'attachent facilement. Mais je trouve ça beau vraiment. Et je trouve ça fou, tu vois. Et puis Théotime, parti trop tôt quoi. Enfin, il était génial ce mec. Si on lui fait une belle vidéo de sortie, comme on a fait à Thomas, ils ont eu le droit au même montage de voilà ce qu'ils ont fait sur l'aventure et tout. Et ils le font pas à tous les candidats. Et du coup, super cool quoi. Autant Thomas, je trouve que c'était quelqu'un clairement. Je pense que s'il était resté dans l'aventure, il aurait fait des bons résultats et tout. Mais Théotime, le mec, il a fait un putain de conseil. Il a fait le feu. Il a fait son putain de conseil là avec ouais, la mulette que tout le monde avec la mulette. Avec la, enfin pas la mulette, mais le vote en plus qui s'est mis dans le falzar en sortant de l'épreuve. Tu vois, et puis il avait, ouais, il avait une bonhomie quoi, de ouf. Hein, il était. En fait, il avait ce truc où ça aurait pu. Enfin, je sais pas. Je crois quand même, il y a quand même des gens qui se sont foutus de sa gueule sur les réseaux sociaux. Oui, oui, bah oui. Mais c'est le genre de mec qui avait tout pour que tout le monde se foute de sa gueule. Et je sais pas, moi, j'avais pas envie de me foutre de sa gueule. Je le trouvais juste trop drôle. Mais on s'est foutu de sa gueule sur le premier épisode. Ouais, c'est vrai. Si tu te souviens, on en avait parlé sur le premier épisode. Et ouais, c'est vrai. Après, beaucoup moins. Le dos brassé, c'était trop drôle. Tu vois. Oh bon, ouais, moi j'ai vu Romain au loin là. Ouais, puis son accent était trop bien. Bon, Théotime, voilà, c'est vrai que bon, c'est un petit ange parti trop tôt, mais c'est comme ça, c'est le jeu. Malheureusement pour lui. Et ça fait déjà un éliminé au bout de, bon, si on enlève le générique, on va dire 15-20 minutes d'épisode. Ouais, genre ouais. Donc, parti sur les chapeaux de roue. Sans sommation. Et là, pas le temps à perdre, dit Denis. Il faut constituer les nouvelles équipes. Et c'est Mélanie et Maxime qui vont s'en charger puisqu'ils ont tous les deux gagné l'épreuve. Et là, donc, au tour à tour, ils constituent les équipes. Ouais. Mélanie doit choisir quelle couleur elle prend et du coup quel camp. Ah oui, c'est vrai. Et elle choisit de garder le camp des jaunes. Des rouges. Ah non, le camp des rouges. Garde le camp des rouges. Qui est le camp des vieux, ouais. Elle est pas conne, hein. C'est celui qui est le plus propre. Donc, Bien joué à elle. C'est vrai. Et donc, y a elle, déjà. Elle se choisit elle-même, ce qui est quand même pas mal. Elle prend la vieille Marguerite. Je crois que j'ai pas compris. Mais bon, soit. Pour la sagesse, peut-être, dirons-nous. Je crois qu'elle l'a pris en dernier, hein. Je crois que c'était le choix à la fin. Ouais, j'ai pas mis, Je suis pas sûr, hein. Ah ouais? Il me semble que c'était, tu vois, c'était comme moi, en sport. Elle prend Romain, pour la force. Elle prend Seb, pour, La force aussi. Il est bon en épreuve, Seb. Bah, pas pour l'accent, en tout cas. Elle prend la Golgoth. Ouais, bah elle est forte. Elle prend Tuc Dual. Ouais, bon, bien sûr. Qui a hésité quand il s'est dirigé vers l'équipe, mais elle prend Martha et elle prend André. Et là, on se dit, mais attendez, André et Marvin ne sont pas dans la même équipe. C'était quand même le choc de cette constitution. Ouais, c'est vrai. Puisque Maxime va prendre Marvin, va prendre Fabian, va prendre Magali, mais et Tiffany. Et le clone du masculin singulier. Ça, je sais pas. C'est Caroline. C'est Caroline. Caroline. D'accord. Caroline. Mais tu sais, c'est celle qui est allée sur l'île au paradis perdu dans le dernier épisode. Ah oui, d'accord. Voilà. Je vois qui c'est. Je connaissais pas son nom à l'épisode précédent et depuis je l'ai appris. C'est bon. Donc au final, sur papier, deux équipes quand même plutôt bien équilibrées. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est le fait qu'il y ait une équipe donc sur laquelle il y ait 4 anciens jaunes et 4 anciens rouges, et une sur laquelle il y ait 5 anciens rouges et 3 anciens jaunes. Les 3 anciens jaunes étant André, Tuc Dual et Martha. Donc du coup, voilà, il y a une équipe où c'est balance, et ça peut créer, voilà, potentiellement, ça pourrait créer des trucs intéressants. Ah, ce qui fait que du coup, de l'autre côté, par contre, ça l'est pas du tout, et on se rend compte que ça a posé problème. Non, quoi. Par contre, les autres, ils chient dans leur froc. Mais bon, ce qui nous permet de voir un peu deux visions différentes sur le deux camps. Ouais, deux visions différentes de comment on doit tenir une cabane et un petit camp aussi. Quand ils arrivent sur les îles, c'est assez drôle. Bah déjà, t'as la vision des jaunes, des anciens jaunes qui découvrent le camp des vieux. Et qui sont assez choqués par le rangement. Oh là là, il y a un coin pour les chaussures. Exactement. Et de l'autre côté, bah il y a le côté inverse où il y a les anciens qui découvrent le camp des jeunes. C'est trop bien. Et il y a, je sais plus qui dit, bon, on dirait une chambre d'adolescent. Ouais. Il y a Manu. Manu, ouais. Il dit, bon, il y a une chambre d'adolescent. Non, il dit, on dirait qu'il vient d'avoir, une soirée avec les cendriers et tout. Tu vois, il dit, on sent le mec, t'es le belge de 55 ans qui est sorti quand tout le monde clopait comme des malades. Il dit, il y a les cendriers, il y a les chaussettes par terre. Mais voilà, c'est les jeunes, c'est normal. C'est vrai que le camp des, les rouges, je suis perdu. Les jaunes, c'était les jeunes, ouais. Ouais. Le camp des anciens jaunes, dégueulasse, quoi. Et je crois que le montage, ils ont vraiment réussi à le rendre bien. Il y a des plans comme ça où ils font plan par plan, ils montent des endroits, il y a des endroits où ils ont tout jeté par terre, là, des déchets et tout, c'est dégueulasse. Mais c'est pour un petit temps, puisque il va falloir repartir très très vite. Donc ils repartent immédiatement sur l'épreuve de confort. Personne ne part sur le paradis perdu, puisqu'il faut le temps de se connaître de reformer les équipes. Et donc, on va sur une épreuve de confort. Alors, est-ce que tu te souviens de l'épreuve ? Alors, on en a parlé avant, c'était un truc où ça commence sur la plage. Après, ils vont dans l'eau, et après, ils reviennent sur la plage. Mais alors, vraiment, je n'ai aucun souvenir de ce que c'était. Bah, c'est-à-dire comme 75% des épreuves de cette saison. c'est insupportable, moi j'en peux plus. C'est-à-dire que j'ai l'impression que, ouais, bah, une épreuve sur deux, c'est ça. C'est, ils prennent une corde, ils la font partir de la plage, il y a un petit chemin. Je n'ai aucun souvenir de ce que c'était. Je me souviens de la récompense, mais je n'ai aucun souvenir. Je n'ai aucune idée. C'était forcément un truc comme ça, vu que c'est, à toutes les épreuves, il y a une épreuve comme ça. Enfin, à toutes les émissions, il y a une épreuve comme ça, donc, Je me souviens que c'était un truc comme ça, mais tu vois, je suis perdu dans les trucs. Est-ce que c'était un radeau? Est-ce qu'il devait, je ne sais plus. Ah, il y avait peut-être l'histoire d'un radeau. Si, je m'en souviens. Il devait aller chercher au fond de l'eau des poids qu'il devait mettre sur un radeau et après qu'il devait ramener sur la plage. Ok, et c'était ça où il y avait genre, il y avait, au début, il devait y aller un par un, ouais. Et à la fin, s'ils loupaient, ils avaient pas le droit de le réessayer. Et par contre, le dernier radeau qui allait, ils avaient le droit de réessayer autant de fois qu'ils voulaient, c'était ça? Non. Ah, merde. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ce qui est important dans cette épreuve, c'est le confort, parce que c'est ce qui était le plus stylé. C'est ce dont on va se souvenir. C'est ce qui a soudé une équipe. Donc c'est les jaunes qui gagnent. Exactement. Les jaunes qui gagnent et le confort, c'est la visite d'un Fidjien qui vient leur présenter. J'ai oublié son prénom. À moi aussi, totalement. Qui parle anglais pour une fois. Ils ont trouvé un mec qui savait parler anglais. Et Manu, chef d'entreprise internationale, sait parler anglais. Donc il a su débloquer la situation. Et qui va leur montrer un petit peu comment trouver de la nourriture sur leur camp, comment se fabriquer des trucs, tout ça. Moment assez sympa de l'émission. Oui, c'était cool, oui. Mais oui, ils étaient émus, en plus. Oui, bah oui. Fabien était ému, Maxime était... Maxime, le chef. Hein. Si tu veux, quand tu lui dis, il va y avoir des nouveaux ingrédients pour faire à manger, il est là... Ouais, il trouve de la patate, enfin ce genre de patate. Ça s'appelle le yama, je crois. Ouais, ouais. C'est comme une énorme patate douce, quoi. Il leur dit, vous connaissez le manioc? Ils disent oui. Il lui dit, bon, le manioc, c'est sympa, mais quand même, c'est pas terrible. Par contre, le yama, les mecs, vous allez vous faire des festins. Il dit, vous trouvez les feuilles en forme de cœur, vous déterrez, et boum. Et il leur montre aussi un truc pour... en gros, il leur explique, les crabes, ils sont pas que sur la plage, les crabes rentrent dans les terres. Et du coup, il y a des terriers de crabes, en fait. Ouais, ça, c'était cool. Et il leur apprend qu'en fait, en... mettant de l'eau, tu peux faire sortir le crabe et le capturer. C'est à peu près tout, je crois. C'est tout ce dont je me souviens par rapport à ce qu'il leur a appris. Moi. Ouais, il me semble, mais c'était, pour le coup, c'était vraiment sympa, quoi. C'était une belle rencontre. Le petit côté survie qu'on aime bien, quoi. Ouais, carrément, ouais. Bah, ça les incite un peu à faire de la survie, justement. Tout à fait. Et ils repartent, après ça, illico, sur, une épreuve, donc, d'immunité, cette fois-ci. Yes. Je ne me suis pas trompé. Il n'y a plus beaucoup de possibilités, donc, en même temps. Non, c'était bien ça. Ou, bon, bah, comme d'habitude, il y a un petit parcours du combattant à faire, et on arrive au vrai truc de l'épreuve, où il faut faire tomber un sablier, et vous avez, genre, une minute pour, et là, il faut enfiler des cercles qui ont des petites formes, sur un tube qui ont, eux, bah, les formes inverses. Ouais. Et il faut réussir à amener un cercle d'un bout à un autre. Et vous avez qu'une minute. Et ce que j'ai trouvé un peu bizarre, c'est que du coup, les derniers avaient le temps qu'ils voulaient, quoi. Le temps qu'il leur fallait. J'aime dire, t'imagines si dans la vie, c'était pareil. Genre, dès que tu veux faire un truc, il y a un petit parcours du combattant, tu vois. Donc, t'arrives, tu dis, bon, je vais aller chercher du pain aujourd'hui. Hop là, petit parcours du combattant. Allez, je vais aller chez Pôle emploi. Ouais, mais il faut se balader avec une corde aussi. Peut-être tu vas aller chier. Bah écoute, c'est un petit parcours du combattant, mon gars. Hein. Tu passes dans l'eau, après tu reviens sur la plage, tu vas chercher le PQ. Il est plein de boue. Il est sous l'eau. Il est sous l'eau, accroché à des cordes et à des poids. Mais c'est fatigant, quoi. Franchement, parce qu'au final, moi, tout ce dont je me souviens de cette épreuve, au final, c'est. Oui, il s'est passé plein de trucs, mais à la fin, je me souviens juste du duel entre Mélanie et May. Ouais, totalement. Où les deux femmes se battent au coude à coude pour enfiler ces cercles d'un bout à l'autre. Et c'est tendu, hein. À un moment, May a de l'avance, mais on a l'impression que Mélanie revient. On sent May en stress, et on voit Mélanie revenir, mais quand même. Si tu veux baser sur les... Enfin, bon, c'est un jugement un peu hâtif, mais May, elle a, comme l'a dit Mel, elle a quand même pas l'air bien maline. Bah non. Et du coup, moi, je me suis dit que ça allait puer, et au final, elle s'en est bien sortie. C'est vrai. Elle s'en sort, et elle donne la victoire aux jaunes. Sartek. Deuxième victoire pour les jaunes d'affilée, qui commence à peser sur le moral des rouges, hein. On commence déjà à le voir à ce moment-là. Hein. Ouais, bah, le truc, c'est que les rouges, eux, c'est leur deuxième, mais par contre, les anciens jaunes qui sont chez les rouges, c'est leur sixième défaite d'affilée, je crois. Ouais. Pour André, Tugual et Martha. Et voilà, ah ouais, ils ont juste gagné pendant l'épisode 1. Donc ça fait longtemps, hein. Il y a longtemps. Et Mélanie, elle se sent un peu coupable d'avoir fait perdre son équipe. Ah, alors qu'elle s'est bien battue. Et puis de toute façon, voilà, il fallait que les autres, elles se démerdent aussi. Hein. Exactement. Non, mais c'est pas de sa faute. Bah non, c'est clairement pas de sa faute. Non. Mais je trouvais ça. De toute façon, lui en ont pas voulu. Non, non, bien sûr, mais c'est la preuve qu'elle a une, c'est quelqu'un de, elle a une bonne mentalité. Elle était triste en fait d'avoir que, elle était triste quoi. J'ai trouvé ça rigolo, enfin rigolo, non, mais mignon. Est-ce que on ne vous avait pas dit, c'est que Denis a dit à la fin de cette épreuve, boum, conseil. Le conseil, c'est now, right now. Ouais, il dit c'est maintenant. À chaque fois, il fait la même. Il dit. Alors, je vais vous retrouver pour le conseil, et le conseil, c'est maintenant. Et là, boum, il fait, tu sais, il y a les... Il monte du bras. Il monte du bras. Asseyez-vous, là. Il y a les trois bruits de bambou qui font tout, tout, tout. Oh, la PLS, quoi. Bah, moi, j'étais pas bien. C'était trop triste. Parce que moi, j'ai compris ce qui allait se passer. C'est l'épisode où on a découvert certains des rouges que j'aimais bien, et je voulais pas qu'ils, enfin, des anciens jaunes, je veux dire, que j'aimais bien, et je voulais pas qu'ils partent, quoi. Et notamment Martha. Ouais. Qu'on a découvert un petit peu plus dans cet épisode. Ouais, trop mignonne, trop rigolote, tu vois, qui était finalement copine avec André, qui était copine avec Dual, qui commençait à être copine avec tout le monde, et qui faisait des choses, tu vois, en plus, qui s'en sortait bien pendant les épreuves. Donc voilà, on a eu un peu, enfin, en fait, moi, bon, après on va en parler, mais en tout cas, voilà, c'est Martha qui part. Ouais. Elle se prend, je sais pas, 5 votes, je pense. Au moins, ouais. Bah, le nombre de rouges, hein. Ouais, exactement, il me semble qu'ils votent ouais. Tous d'une voix contre elle, hein. Je crois qu'ils testent de voter Marguerite, non? Si je te dis pas de bêtises, mais bon. Non, c'est plus tard, ça. Ouais, mais je croyais que les jeunes avaient testé de voter Marguerite, tu vois. Ah, eux, peut-être, oui. Ouais. Bah, de toute façon, eux, ils sont en mode au mérite, machin, gna gna gna, donc évidemment, le truc qui marche jamais, quoi. Ouais, voilà. Et bon, Martha, elle voit les trois premiers votes, elle est pas bien. Le quatrième, elle commence à pleurer. Et le cinquième, vraiment, elle va se faire éteindre le flambeau, je te jure, elle est en pleurs, mais en même temps, enfin... C'est pas genre elle est pas énervée ou quoi, elle est juste super triste de partir, tu vois, et elle leur dit ouais bah bonne chance pour la suite. Ouais, j'étais trop triste, vraiment ça m'a mis trop mal à l'aise quoi. Je me suis dit l'autre icône de Marguerite, elle va rester pour faire chier son monde et elle part quoi, j'étais trop trop triste. Effectivement. Mais et en plus la prod ne lui rend pas grâce parce que sur les thumbnails, donc les images de preview des vidéos sur le site de Koh-Lanta Replay, vraiment ils l'ont mis les pires photos. Où elle est en train de pleurer et elle fait des grimaces abominables. Bah limite, hein, mais les yeux rouges, les pommettes, le visage tout contracté et tout. Vraiment la pauvre, elle a la pire photo et tout quoi. C'est vraiment terrible. Je trouve ça terrible pour elle. Donc ouais, dommage, on aurait bien voulu la connaître un peu plus. Mais c'est pas grave, puisqu'il reste encore tout plein d'aventuriers. Alors, avant de passer à l'épisode 5, j'ai envie de te demander quand même... Lucas, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode 4 ? J'ai trouvé que c'était un bon épisode dans l'absolu. Disons, par exemple, le choix de pas faire de Paradis Perdu, ça a changé un peu le rythme. Enfin, le rythme de l'épisode a été changé, la dynamique a été changée. C'était chouette de voir des gens qui se connaissent pas se découvrir. Je trouve que ça a aussi un peu changé. Voilà, le discours de les jeunes, les vieux, bon, même si on l'a eu un peu au moment du camp, faut dire que c'était drôle de voir le camp des jeunes qui était complètement bordel. Voilà, assez vite, on a bien vu que, bon, voilà, les jaunes, ils savaient faire des trucs, les rouges, ils savaient faire des trucs. Ça a arrêté cette opposition un peu chiante entre vieux et jeunes. Après, moi, il y a un regret que j'ai, c'est le choix d'avoir fait un conseil direct. Je trouve qu'ils n'ont pas laissé l'occasion aux anciens jaunes, qui étaient chez les rouges, de se défendre, en fait. Moi je pense qu'il y avait une carte à jouer avec Marguerite parce que je crois qu'à ce moment-là elle est déjà pas forcément voilà, il commence à sentir les rouges, tu sais. Martha elle dit moi je suis bonne en épreuve, nanana. Tuc Dual il le dit aussi, tu vois, je pense qu'ils sentent qu'il y a un truc à jouer et on leur donne pas l'opportunité de faire de la stratégie et de potentiellement se sauver. Et j'ai trouvé ça un peu dommage parce que je pense que ça aurait pu être intéressant. Et après je sais pas, c'était peut-être parce que la recomposition des équipes avait pris du temps, donc fallait sauvegarder du temps et juste passer tout de suite aux choses importantes. En tout cas moi j'ai trouvé ça dommage, mais sinon bon épisode, enfin chouette, tant mieux que les épiques soient remaniées, c'est cool. Et toi Franck? Pour ma part ouais, je trouve aussi que c'était un bon épisode. Pour une fois c'est peut-être le premier épisode de la saison que je regarde sans m'ennuyer, à part le premier, mais sans m'ennuyer dans la seconde partie. Parce que effectivement le rythme n'était pas le même et c'était un peu intéressant, et surtout je trouve qu'il y avait vraiment une aura positive dans cet épisode avec déjà le profil de Théotime dont on a parlé tout à l'heure, où on le présente un peu voilà comme un guerrier machin et tout, ça je l'ai trouvé ça super cool. Faudrait qu'on l'ait plus souvent, limite à chaque élimination en fait. Tu vois, parce que c'est dommage qu'à la fin, ça se finisse un peu tout le temps sur « boum, tu t'en vas » et puis les mecs, ils disent pourquoi ils t'ont éliminé, tu vois. je trouve ça un peu dommage. Alors que ce côté, le profil et tout, ça apporte quand même une note positive dans quelque chose qui est un peu triste. Et ça, je trouve ça plutôt chouette. Et après, tout le côté, bah, les nouvelles équipes et tout, les gens qui se rencontrent, voilà, ça a redonné un souffle un peu, tout, on a effacé un peu les engueulades des jaunes entre les petits groupes de candidats entre Marvin et les autres, c'est ce qui était un peu détestable. Mais là, je trouve que, je sais pas, il y avait vraiment quelque chose de positif dans cet épisode et je suis vraiment sorti en mode « Ah, c'était bien, tu vois ». J'avais complètement oublié, mais Fabian a raconté son histoire aussi effectivement, sur le camp des jaunes. Effectivement. Et ça, c'était... la vache, j'ai rien d'en parler, ouais. J'ai des frissons, tu vois, ouais. Ça, c'est fort. Quoi. Alors, est-ce qu'on en parle ? Non, je pense qu'on parlera peut-être, on en reparlera peut-être avec les appels aux familles et tout, mais je trouve qu'en tout cas, ils ont un casting assez puissant, en fait, par rapport à ça, par rapport au... Bah, y a pas grand monde que je déteste. Y a, non. Par exemple, voilà, moi, j'aime bien tout le monde, je trouve que tout le monde est assez intéressant. Les gens sont liés d'amitié, les gens, ils échangent. C'est assez agréable d'aller voir interagir entre eux, en tout cas. Ouais. Bah, c'est sûr que ça ne change de la saison précédente où les mecs se parlaient pas. Hein. Ils faisaient juste trois prières au dieu Clémentine tous les matins. Allez, on passe à épisode 5. Yes. Alors, épisode 5, qui s'ouvre. Eh ben là, il profite un petit peu de l'aura de l'épisode 4, je trouve, puisqu'il s'ouvre avec la petite balade entre Marvin et Martin. Et Martin. Yes. Mais non, pas Martin. Manu. Et Manu. Où ils sont un petit moment de pêche ensemble. C'était sympathique, ça, non? C'était très cool. Alors, je crois qu'en fait, ils appellent ça l'aquarium. Ah, oui, tout à fait. Ils ont une espèce de jetée sur laquelle, en fait, quand la marée basse arrive, il y a de l'eau qui reste, en fait, et qui bloque des poissons, et du coup, ils vont pêcher à cet endroit-là. Malin. Parce qu'ils n'ont pas le matériel de pêche chez les jeunes. Et ouais. Oui, c'est vrai. Bah, il doit être triste, Manu. Ouais, écoute, il a besoin de ça, Manu. Et Manu qui a avoué que, du coup, c'est Marvin qui lui avait appris quelque chose. Et on a eu un petit peu cette relation entre les deux, comme tu le disais précédemment, entre Bruno et Benoît, il y a deux saisons, où effectivement il y avait cette relation également entre jeune et vieux. Et là on retrouve ça, où Manu dit « C'est vrai qu'il m'a montré quelque chose, le petit !» Et puis Marvin qui dit « Ouais, j'aime bien Manu, il raconte tout le temps des trucs, il a toujours le bon mot au bon moment. » C'est la fraîcheur ultime. C'est le poète, un petit peu, de cette aventure. Ouais, carrément, de ouf. Et j'aime bien. Ouais, et du coup, ça a commencé un peu sur une note assez agréable. Mais il est fort, Manu, c'est qu'il arrive à être... il est dans son monde, il a son truc, mais c'est pas la mascotte, tu sais, c'est pas le mec, ouais, il est bizarre et il est chiant. Avec en fait, Manu, on ne s'ennuie pas. Et en épreuve, il s'en sort, tu vois. Donc, ouais. Manu, il a sa place dans Koh-Lanta sans être juste le mec rigolo. Tout à fait. C'est cool, et j'espère qu'on va le voir de plus en plus être marrant, quoi, parce qu'il est marrant, ce con. Ouais, clairement, il devrait l'ouvrir un peu plus. Oui. Avant l'épreuve de confort, il y a un autre truc, c'est quand même, on nous a bien montré la gueule de bois des anciens jaunes chez les rouges. Genre, Tuc Dual, il est vraiment, il est pas bien, quoi. Il est en mode, putain, ça pue pour nous, André. Et puis, il est un peu déprimé, je crois. Bah, surtout qu'il sent qu'André est un peu plus avec les rouges. C'est vrai, en plus, ouais. Donc, il sent un peu... Il comprend qu'il est le prochain, ouais. Ouais. Il sent un peu la merde venir, quoi. Il sait pas trop quoi faire, ouais. Mais bon, tout ça, c'est... pour plus tard, puisque d'abord, il faut passer par l'épreuve de confort. Et là, quel est l'outil indispensable, Lucas, pour une bonne épreuve de Koh-Lanta? Bah, les dreads séchés de Brahma. Bah, une belle corde, évidemment. Une grosse corde, ouais. Une grosse corde. 60 kilos de corde. 70. Ça, ah ouais. C'est l'épreuve qu'on avait eue l'année dernière, on l'avait déjà eue. Mm-hmm. Enfin, la saison précédente, où chaque équipe porte une corde. Ils courent autour d'un ovale et doivent rattraper l'autre équipe, tout simplement, pour gagner. Et là, on a une équipe soudée, forte, qui tient tête, et une équipe qui se disloque. Ouais, vraiment, ouais. Bon, puisque à chaque tour, ils ont le droit de quelqu'un a le droit de quitter l'épreuve. Ouais. On a la Golgoth, moi j'étais, quand elle commence l'épreuve, elle dit, ouais, voilà, ça, c'est une épreuve. Enfin, elle disait pas que c'est une épreuve pour elle, mais elle dit, voilà, je veux prouver à ma fille que je suis pas une merguez ou je sais pas quoi. Elle fait trois tours et elle s'arrête. Alors là, incompréhension totale, parce que la meuf, elle a un gabarit de ouf. Elle, à mon avis, elle te porte des fûts de 50 litres sur la tête, quoi. Et elle s'arrête. Chez les rouges, donc incompréhension totale. Et pendant ce temps-là, chez les jaunes, c'est vrai que personne ne lâche, alors que chez les rouges, ça s'émiette, quoi, complètement. En même temps, c'est pas facile de courir avec un truc que tu portes les bras au-dessus de ta tête, hein. Tu m'étonnes. Surtout qu'en fait, chez les rouges, il y a quand même Marguerite qui lève le bras, mais on sait très bien qu'elle ne porte rien du tout, quoi. C'est clair. Donc, après, elle court à côté d'eux. Ouais, c'est qu'après, elle était en mode, oh là, je suis triste d'avoir quitté aussitôt. Bah, pff, tu sers à rien. Après, c'est bon, tu sais, pour les 5 kilos qu'elle pourrait porter, tu vois, ça fait toujours ça de moins pour les autres, mais bon. Je crois que les autres lui ont reproché le fait d'être partie, alors qu'elle avait servi à rien tout le long, en fait. Ce qui est normal. Mais bon, donc les rouges, vous l'avez compris, hein, c'est l'équipe qui se disloque. Et les jaunes, tenus, menés dans un premier temps par Maxime, qui va au bout de ses forces, et qui sera ensuite relayé, et c'est le seul qui va partir, et qui sera ensuite relayé par Fabien à l'avant. Fabien qui est en mode Vincent, en mode ouais. On est des guerriers. Je sais, c'était ça la phrase de Vincent, je crois. Et ça, c'était vraiment trop stylé. Mais ce qui est ouf, c'est que sur le coup, en fait, on sait pas du tout... Enfin, la performance des jaunes était tellement ouf qu'on s'est pas rendu compte que les 4 mecs qui restaient chez les rouges, ils étaient aussi en train de se donner du ouf. Enfin, c'était impressionnant au final. Bah oui, mais c'est clair, on nous l'a complètement effacé. Et on s'en est rendu compte qu'après, quand ils sont retournés sur le camp, mais en tout cas, il y a eu vraiment une énorme performance de la moitié des rouges et de tous les jaunes. Et malheureusement, bah, quand t'es que 4 à performer, contre 8 mecs qui performent, c'est pas assez, quoi. Bah non. Bah, surtout, oui, et puis, c'est pas tout, il faut porter le truc, quoi. Ouais, non, bien sûr. Enfin, 70 kilos, c'est à bout de bras au-dessus de la tête, en courant, c'est pas facile, hein. Jusqu'à ce que Tuc Dual, se mette à saigner de l'épaule, tu vois. Ah, putain, ouais, tu m'étonnes. Je suis sûr que c'est à cause de ça, on l'a pas vu, mais il me semble que c'est la corde, tu vois, ça doit être la corde. Ouais, c'est la corde, ouais, c'est le frottement de la corde qui l'a ouvert, ouais. En fait, son t-shirt s'est plus ou moins arraché, ou il s'est enlevé de son épaule, parce qu'il avait peut-être un t-shirt trop large. Et, on le voit, hein, vraiment, on voit que le t-shirt, il est démis, en fait, de son épaule. Et le truc l'a brûlé, quoi, tu vois. Donc, putain, respect, tu vois. Il a pas bronché, hein. Il a pas dit j'ai mal, je sais pas quoi. Non, boum, il a continué comme un ouf, hein. C'est respect. Non. Et après, on le voyait avec de la crème et une trace de sang qui dégoulinait tout son bras et son torse. Ils se font des séances de biafine de l'horreur. On dirait des tartines, les mecs. Donc, félicitations aux jaunes, encore une fois. Autre victoire d'affilée. Troisième victoire d'affilée pour cette nouvelle équipe des jaunes, hein. Donc, coup au moral supplémentaire pour les rouges. Je crois que Tuc Dual, il se met à pleurer, il dit j'en ai marre de perdre, voilà. Effectivement, mais d'autant plus que, et là je trouve ça absolument inacceptable, les jaunes se mettent à hurler, oui, la victoire, gna gna gna gna gna gna. Non, t'es sûr? C'est inacceptable. Bah non, évidemment, moi je m'en bats les couilles. Je crois qu'on l'a pas dit, mais quand même la récompense, c'est un appel à la famille. On ne l'a pas dit, on le gardait pour la fin. Un appel à la famille, donc tout le monde était motivé pour avoir cette récompense, évidemment. Ça fait combien? Peut-être bientôt 15 jours qu'ils n'ont parlé à personne. Ils commencent à avoir envie. Ouais. Ouais, puis quand ta femme, elle est enceinte de 8 mois, surtout, t'es un peu en mode merde. J'aimerais bien avoir des nouvelles. Notamment pour Maxime. Et oui, c'est vrai que les jaunes sont un peu expressifs, mais en même temps, à chaque fin d'épreuve, les équipes sont expressives comme ça. Ouais, et puis surtout sur une épreuve aussi dure où ils sont allés à ce point-là dans leur dernier retranchement, je comprends qu'ils explosent de joie, tu vois. Mais bon, on vous en parlera après parce que ça va revenir plus tard dans l'épisode. Ce qui est important tout de suite, c'est la récompense, comme le dirait Denis, puisque chaque candidat chez les jaunes va avoir le droit à quelques minutes d'appel à sa famille. Et là, grand moment, comme d'habitude, hein, toutes les saisons on y a droit et toutes les saisons tombent dans le panneau, n'est-ce pas Lucas? Moi, ça dépend des saisons, mais ouais, celle-là, ça a été une des plus fortes. Ouais, ouais, vraiment. Franchement, la saison dernière, non, parce qu'on les aimait pas beaucoup. Mais là, vraiment, on est un peu à tous attachés à eux. Et ouais, ça a été fort, vraiment. On commence avec Fabien, vraiment, Fabien, bah, c'est parti, quoi. Il appelle Elvis. Elvis, et je sais plus comment il s'appelle, l'autre, Roméo, un truc comme ça. Et sa femme, moi j'ai explosé, j'ai fondu en larmes avec lui déjà. Ouais, ouais, non, j'essayais de me retenir, tu vois, un petit peu en bonhomme, en un petit peu de retenue, mais j'avais du mal quand même, tu vois. Moi j'étais tout seul, tranquillement, bien cosy, donc j'ai pu me lâcher et pleurer à chaudes larmes. J'arrive pas à te voir pleurer. Je t'enverrai des photos. Et après on a eu tout le monde, vraiment on a eu tout le monde. Et moi vraiment ceux qui m'ont marqué c'est lui. Maxime, oui, Maxime, c'est ça, hein. Ouais, Maxime, ouais. Qui appelle sa femme enceinte, de 8 mois, qui va bientôt accoucher. Ouais, on s'en fout de moi, comment. Qui lui fait une déclaration d'amour absolument incroyable, qui lui dit, quand je vais rentrer, on fait chauffer la carte bleue, je m'en fous. Ah, c'était trop bien. Ah elle était trop contente, sa meuf. Enfin, elle était pas contente, mais ouais. Alors, de ouf, elle dit, bah, écoute, hein. Carrément, hein. Ah, putain, il t'a fallu, 12 000 kilomètres pour qu'on dépense de la thune, hein. Fais-moi un virement tout de suite. Et après, il y a Marvin aussi qui m'a fait. Voilà, je pense que c'est celui où j'ai le plus pleuré. Vraiment. Marvin, c'était drôle, en fait. En fait, j'aime bien quand Marvin, il s'embrouille. Tu sais, pour rigoler, tu vois. Dit, ouais, tu dégris pour qui, là? Parce que t'es plus grand que moi, tu crois que tu vas faire le malin? T'as là, trois poils avec tes trois poils. Ouais, trois poils. Ouais, l'histoire de Marvin, j'aimerais bien. Enfin, je sais pas s'il la livrera. Écoute, c'est libre à lui d'en parler ou pas, mais ça a l'air d'être bon. Tu sens que c'est quand même une sacrée histoire, tu vois, quand il disait, ouais, ma mère et tout, c'est mon héroïne et tout, hein, c'est ça foulée. Ouais, ça m'a foutu les chills. Ouais. Et je crois que c'était, il y avait pas le côté, enfin, d'habitude, c'est un peu gênant, parfois, de les voir le faire devant tous les autres, mais en fait, là, il y avait un côté où c'est, il y a une émulation de ouf. Et genre, du coup, tout le monde s'est mis à dire des trucs trop bien. Enfin, même, tu vois, Tiffany qui dit, genre, ouais, quand je reviens, je vais être votre bébé, ça m'a fait trop rire. Ah oui, en fait, ça, c'était trop mignon. Ça, c'était trop mignon. Je veux toujours être votre bébé, hein. Tu vois, Magali qui parle d'amour de son copain, enfin, de son mari, qui est super timide, j'ai trouvé ça assez émouvant, au final, ouais. Tu vois. Et la manière dont on en a parlé, c'était vraiment, ils sont tous livrés. Et tu sentais qu'ils étaient tous, ils se sentaient vraiment mieux après, quoi. Ouais. C'est vrai que c'était un beau moment. Franchement, c'était un beau moment. Ils étaient essoufflés. J'ai pas vu le temps passer pendant cette période-là. Et ça, c'est quand même assez agréable. Il y a pas eu de moment gênant du mec qui appelle et c'est bizarre, tu sais. Ok, d'accord. Quoi. Non, c'était vraiment cool pour tout le monde. Manu qui a bien dit, c'est le fils de Manu qui lui demande s'il a eu le kit de pêche. Ah oui. Ah, non, c'est... Je l'ai plus, malheureusement. Je l'ai eu, mais je l'ai plus. Je l'ai plus. Mais ça, c'était trop bien. Non, vraiment, très très beau moment. J'ai beaucoup aimé. J'ai bien pleuré. Mais c'était cool. Mais t'étais comme les candidats, t'as pleuré. Bah oui. Après tu te sentais bien. Bah oui, mais parce que justement on les aime bien. Et vraiment Marvin, je trouve qu'on s'identifie bien à lui. Probablement pas à notre âge, hein, mais c'est presque un petit frère, Marvin. Tu vois, c'est le petit frère, quoi. Tu vois, il a une espèce de maturité en même temps une jeunesse qui est touchante, quoi. Je le trouve, ouais. Je kiffe ce mec. Ouais. J'avais un peu de mal au début, je t'avoue. Pareil. Moi, pareil au début, je moi je t'ai dit, je me suis vraiment foutu de sa gueule à chaque fois qu'il pleurait avant le duo de Théo Tim et tout ça. Je trouvais ça rigolo, mais je trouvais ça bidon, quoi. Je me disais, ça c'est vraiment des gosses, quoi. On dirait des gamins à la fin d'une colo de deux semaines qui se mettent à pleurer. Ouais, je trouve qu'il y a un tournant dans la personnalité des jaunes là. Mais je pense que le fait qu'il soit émancipé aussi de André, pareil pour André au final, tu vois. André, je le trouve vachement plus intéressant depuis qu'il est avec Mélanie, depuis qu'il est avec tous ces gens-là. En fait. Oui, on voit une autre facette, ça fait du bien. Mais c'est bien parce que du coup, c'est des choses qui pourront servir pour plus tard. Carrément. Bon, c'est pas tout ça, ça coule les larmes, tout ça, mais... Il faut élire celui qui va venir sur l'île au paradis perdu, maintenant, les enfants. Tout à fait. Et là, les rouges se concertent et se disent, eh ben, ce bon Sébastien, dis donc. Je sais plus trop pourquoi. Parce qu'il leur a dit qu'il rêvait d'aller sur... Il a dit, moi, j'aime les chasses au trésor, quoi, en gros. Il aime les œufs de Pâques. Ah ben, c'est un routier, hein. C'est un routier de qui est bon, chose de rotation, là. Ah, on avait pas le GPS, ça verrait. Ah! Ça y est, les cartes, là. Ça, on arrivait sur la D80, après, on disait, oh, bon, faut prendre la N25, maintenant. Vers Lille, ça a été via le match de Lens, là. Après, on va avoir un Jupiler. Après, on faisait polir les gens, là, comme ça, pour Bocamio. En plus, c'est vrai qu'il dit ça. On est vraiment des salauds, parce qu'il a vraiment pas un accent fort du Nord. Non, il a pas un accent fort du tout. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il arrive, du coup, sur le camp des jaunes, et là... Il dit, il y a quand même une petite concertation quand il apprend que c'est lui d'y aller, ils discutent sur le camp des rouges, ouais. Du fait qu'ils ont pas aimé la réaction des jaunes quand ils ont gagné, que c'était ouais. Trop, nanana. Ouais. Ça les a marqués, quoi. Ah ouais, ils sont énervés, hein, ils disent, voilà, on est déçus. Mais il me semble qu'il y a quelqu'un qui lance un peu le feu. Eh ben, c'est Sébastien, en fait. Ah, c'est Sébastien. Ouais, c'est Sébastien qui doit vraiment avoir les boules d'avoir perdu, j'imagine. Ouais. C'est lui qui lance le truc principalement. Romain peut-être un peu, mais je crois pas. Je crois que c'est vraiment Sébastien surtout. Et donc ils en parlent tous. Évidemment, ils choisissent quel est le jaune qui va l'accompagner. Et quand il arrive sur le camp des jaunes, c'est une des premiers trucs qu'il dit. C'est bon, écoutez, il faut que je vous parle. Vous êtes mes potes, parce que déjà voilà, ils considèrent que comme ils étaient anciens rouges, ils sont potes. Ah bah le pacte est ouf, hein. Le pacte. Il tient. Bah jusqu'à avoir de la stratégie entre équipes, ouais. On le verra encore après. Il leur dit ouais voilà j'ai pas aimé machin et tout. Enfin on n'a pas aimé, c'était un peu trop. Il faut avoir un peu de retenue nanani nanana. Bon les jeunes j'ai trouvé leur réaction bonne quoi. En mode ouais d'accord ok désolé. Puis dans le dos. Puis dans le dos c'était là putain mais c'est clair c'est quoi cette connerie on a gagné. En même temps, c'est vrai que c'était un peu hypocrite, quoi, de la part des rouges. Non, mais le fait, en fait, que tu vois, ils arrivent pas à comprendre que, ben, en fait, la joie, elle explose. Bah oui. Et ben, là, tu vois, dans l'eau, il y a quand même des mecs, tu vois, genre, il y en a un, sa femme est enceinte. Il y a des gars qui ont des histoires familiales un peu compliquées, voilà, je veux dire. Si vous ne connaissez pas la définition du somme, regardez cet épisode. Et vous comprendrez. Mais le pire, c'est qu'en fait, je crois que ça commence et c'est Fabien qui dit, ouais, je suis vraiment désolé pour vous, le fait que vous ayez pas gagné. Et lui, il enchaîne en mode, ouais, bah d'ailleurs, enfin. Tu vois, genre, ça, tu sens que les gars, ils ont fait preuve d'empathie après, au fur et à mesure, tu vois. Mais non, eux, tout ce qu'ils vont retenir, c'est un éclatement de joie trop puissant. Effectivement, Maxime, il dit ça, c'est des conneries. Manu, il dit ça, c'est des conneries. Et Fabien, pour le coup, à mon avis, lui, il va pas oublier ça. Lui, à mon avis, ça l'a énervé, ça. Ah ouais, ouais, je pense qu'il est en train de la gorge, là. Ouais. Mais bon, on se retrouve au paradis perdu, donc entre Sébastien et... Je me souviens, Caroline. Le sosie de masculin singulier. Ah d'accord, c'est elle. Personnage qu'on découvre. Ouais, ouais, ouais, qui se révèle un petit peu. Ouais, qui se révèle grâce à ce moment-là, d'ailleurs. Je crois que c'est la première fois qu'on voit son portrait. Moi, je me souviens jamais avoir vu le portrait d'une meuf qui était directrice de maison de retraite. Ouais, non, je crois pas, ouais. Qu'on voit extrêmement sévère. Oh la vache. Elle dit, moi, je dirige 70 personnes. Et après, ça fait... après avoir fait la 135, vous passerez dans mon bureau, hein. Clac. Elle raccroche. Je dis, putain, si moi je reçois un appel comme ça un jour. Moi, je fais pas le mal, hein. Je pense, je pose ma démission en entrant dans le bureau pour éviter le truc, quoi, tu vois. Ouais, c'est clair. Bon, écoutez, je veux pas aller au conflit, je m'en vais. On se retrouve sur l'île perdue, où ils se rendent compte un petit peu qu'il y a des coffres et des machins, et hop! Tout de suite! Boum! Ils sont quoi, là? Depuis, ils ont passé la nuit là, mais tout de suite, dès le matin, ils trouvent un coffre. Yes. Et là, on est complètement, on vous dit, putain, mais à ce rythme-là, ils vont tous les trouver, même s'ils n'ont pas le droit. Et là, surprise. Il est vide. Il est vide. Surtout que, comme Thomas et Romain, ils se sont dit, on va aller au milieu, là où il y en a le plus. Et ils ont trouvé celui de Thomas et Romain, qui était tout en haut, tout seul de l'île. Ils ont retrouvé le même. Du coup, après, ils sont redescendus. Il y a une malédiction sur ce coffre. Oui, c'est clair. Mais j'ai trouvé ça cool, que ça arrive, en fait. Oui, moi, j'attendais drôle, vraiment que ça arrive. C'est drôle, ouais. Moi, c'est vraiment... il a l'air ouvert, quand même. Et là, il ouvre. Ah, bah, il a été ouvert. Merde. Il y a un truc qui est bien aussi, c'est le fait que ça aille assez vite. Parce qu'au final, la recherche de coffres sur le paradis perdu, c'est plus très intéressant. Non. Bah non. On a juste envie de savoir ce qu'il y a dedans. Non, voilà. Exactement, ouais. Du coup, ils en trouvent un deuxième. Ça enchaîne. Elle chôme pas, la Caroline. Pas le temps de niaiser. Elle trouve deux coffres, boum boum, dans la même matinée. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ce qu'il y a dans ce coffre? Donc il y a une amulette utilisable lors du prochain conseil qui permet de, en fait, de rendre... Enfin, c'est comme un cône d'immunité, mais qui est valable que au prochain conseil et qui permettra de rendre n'importe quel candidat qui possède l'amulette inatteignable au conseil. Donc là, il y a une discussion un peu sur qui doit la garder. En même temps, Caro, entre Sébastien et Caroline, lequel est le plus en danger? Caro, elle est en mode, écoute, moi, je l'ai trouvé, j'ai envie de la garder. Et Seb, il est en mode, écoute, de toute façon, ce qu'on fait, c'est que celui qui perd, on se le passe au conseil, enfin, on se le passe après l'épreuve d'immunité. Celui qui perd, il l'a, ouais, voilà. Si je perds l'épreuve d'immunité, tu me le passes discretos. Quoi, il dit, ok, pas de souci. En même temps, est-ce que Seb était vraiment en danger? Non, pas du tout. Mais Caro non plus, au final. Bah non. C'est pour ça que c'était un peu con. Mais Caro, il y avait le fait qu'au final, ils étaient que 4, ils étaient 4 contre 4, alors que dans, en termes d'anciens rouges. Alors que chez les rouges, ils sont 5 contre 2, tu vois, donc il y a un côté où ils sont moins en danger, potentiellement. Tu vois, Sébastien, il est vraiment pas du tout en danger, quoi. Donc je crois que ça avait du sens, et bah non, c'est tout. Maintenant, ouais, je sais pas. Maintenant, je trouve que la proposition que tu m'as fait tout à l'heure, et j'aimerais bien qu'on en discute 2 secondes, ouais, était vraiment pas mal. Je disais que, en fait, je trouvais que c'est dommage parce que cet élément servait à rien sur ce conseil-là, et que je pense que moi, si j'étais la prod de Koh-Lanta, normalement, c'est-à-dire que moi, je suis complètement pour le fait de feinter des trucs dans une émission de télé-réalité, c'est pour le bien du jeu. Moi, si j'étais la prod de Koh-Lanta, je dirais, ok, là, qu'est-ce qui serait cool au prochain conseil ou un truc? Là, il n'y a pas besoin d'un truc par rapport au conseil. Eh ben, on prend tous les coffres et on les remplace par un truc qui donne un accès à un confort, tu vois. Plutôt que d'avoir une amulette qui est sortie et qu'on, elle a servi à rien. Ben non, à rien du tout. Ça fait un coffre de gâché. Elle était mignonne, ils l'ont tous regardé sur le camp, après j'ai pas cette vue, elle l'a fait tourner, c'était, elle est rigolo, elle est pas mal. Elle s'est dit, bon boulot, c'est pas du Made in China, ça, ouais. Ah, c'est du Made in Fiji. Mais ce qui était cool, par contre, c'était le fait que, mais sinon, j'y avais jamais vraiment pensé, mais le fait que l'île, maintenant, au lieu de dire, je vais parler avec ceux avec qui je vais me réunifier plus tard, c'est je vais parler avec ceux avec qui j'étais avant. Ça, ça devenait intéressant par contre, ouais, pour le coup. Ouais, tout à fait. Parce que les rouges veulent se, sont en mode bon, Marguerite est sympa, mais elle fait exactement. Chier. Cette retrouvaille entre les deux a permis d'avoir cette discussion sur yes. Marguerite qui pose un problème chez les rouges et ils se demandent s'il vaudrait pas mieux l'éliminer elle plutôt que d'éliminer un jeune comme André qui apporte beaucoup au camp et qui est beaucoup plus actif dans les épreuves et à tous les niveaux de l'émission, de toute façon. Ouais, complètement. Ce qui était une discussion assez intéressante. Par contre, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'en retournant sur les camps, ils se disent il faut qu'on en parle entre nous. Tu vois, j'ai trouvé ça un peu Bah au final ils en ont parlé devant les zones jaunes. Ah ouais. Ouais, et justement mais c'est là où pas ça délicat en fait de dire on va reparler entre nous s'il vous plaît, vous pouvez vous en aller. Mais c'était pas délicat, mais le problème c'est que dans tous les cas c'était pas, enfin ils ont, je crois pas que les autres se soient en allés au final. Et par contre le truc c'est qu'ils ont découvert en fait, enfin là c'est là qu'ils ont compris que ah ouais merde en fait les mecs ils ont un pacte. Ouais et ils sont prêts vraiment confiants à en discuter à ce moment-là, ouais. Tu vois. Et là ils se sont dit putain, je sais, il y a eu un plan sur Tiffany, et en mode putain ça pue du cul cette histoire. Ouais, tu ouais. vois, je sais pas comment on va s'en sortir. Bah du coup c'est bien qu'ils s'en soient rendu compte. Ouais, mais le fait bah après on en parlera un peu, mais ça leur a un peu, je pense que ça leur a un peu sapé le moral pour l'épreuve pour le conseil derrière en fait. Mais on en parlera après. Bah ça tombe bien, écoute, on va enchaîner sur l'épreuve d'immunité ou tu ne sais pas quoi. Bah si, c'est une épreuve où ils démarrent sur la plage, où ils vont chercher un truc dans l'eau qu'ils doivent ensuite ramener sur la plage. Mais si on va trouver un nom pour ce genre d'épreuve, tu vois, c'est genre les, c'est, ça finit en mode débarquement du soldat Ryan, mais je sais pas, je trouve pas de nom, mais il faudrait un nom pour ce genre d'épreuve. Comme ça, plutôt que d'expliquer, on dit bon, c'est une épreuve de type Z. Je sais pas, ça, on va gagner du temps. Hein. C'est comme ça. Bah tout oui, le temps. Carrément. Donc il suffisait d'aller dans l'eau, débloquer des poutres et une jarre, enfiler les poutres dans la jarre et ramener la jarre sur la plage. Je sais même plus s'il y avait un truc à faire avec. Non, fallait juste la ramener sur la plage et la poser sur un truc. Alors ce qui était bon, surtout c'était le genre d'épreuve qui était quand même. Enfin, je dis, attends, les mecs, ils arrêtent pas quoi, ils se tapent des trucs de malade oui. tous les deux jours. Parce que là, c'était quand même, t'allais au fond de l'eau, tu faisais un mètre avec la jarre et tu remontais parce que t'avais plus de respiration. C'est ça. Et tout le début était comme ça jusqu'à ce que t'atteignes enfin une hauteur, enfin une profondeur d'eau un peu moins c'est grande. Ça. Quoi. Ouais, parce que ça avait l'air vénère quand même au début. Tu m'étonnes, ouais. Mais bon, dans tous les cas, c'est les rouges qui gagnent. Ah, enfin. Ah bah putain, ça leur fait du bien au moral, hein. Par ouais, contre, ça anéantit les jaunes. Qui, effectivement, et je pense que t'as raison là-dessus, avaient l'air déjà, les jaunes avaient l'air un peu dans leur pensée. Sur les risques d'élimination, les risques qui se sont réalisés, enfin, révélés réels. Moi, je comprends pas parce qu'il y avait quand même, c'était 4-4, donc il y avait quelque chose à jouer. Ils ont rien essayé, quoi. Ils se sont dit, on est 4, ils se sont dit, c'est foutu. Ils se sont dit, les jaunes, que les vieux allaient gagner, que les vieux avaient déjà gagné. Ah oui, non, mais il y a eu aucune tentative de stratégie, rien du tout. Ils se sont même pas concertés ou quoi, et je n'ai pas compris. Et du coup, c'était super, bon, c'était un peu chiant. Ce moment-là de l'épisode, je l'ai trouvé chiant. Non, mais en même temps, tu vois, c'est comme ça depuis le début de l'émission, hein. Tu vois, ouais, depuis vrai. Le début de la saison, les rouges, même quand il suffit de choisir quelqu'un pour aller sur le paradis perdu, tu vois, ne serait-ce que ça, les rouges, enfin, les anciens, les vieux se concertaient. Et les jaunes, pas du tout. Si tu te souviens de Théo Tim, quand il est allé, lui, il a fait, allez, salut, hein, hop, et il a choisi, tu vois. Et tiens, au passage, c'est comme ça qu'on fait le feu. Voilà. C'est, voilà, en plus. Mais vraiment, depuis le début, c'est comme ça. Donc, limite, ça m'étonne pas. Mais effectivement, en termes de jeu, c'est quand même assez nul. Et c'est quand même très dommage pour eux, en fait. Parce que du coup, maintenant, ils se retrouvent en infériorité numérique puisque c'est May qui se fait éliminer. Et, alors, je me souviens plus, du coup, comment ça se fait. Quel est le nombre de votes contre elle? Je pense qu'il y avait un vote contre Caroline. Non? Ouais. Qu'il y avait un truc comme ça. Et comme elle avait l'amulette, ça, il y a un truc qui comptait pas. Il me semble que May, dans tous les cas, elle a aussi eu des votes des anciens jaunes. Qui ah ouais. ont voulu, du coup, sauver leur cul, en fait, en se disant, ça va être entre May et moi, donc je vote pour May, tu vois. Non, mais même, je crois qu'ils ont pas, mais tu vois, même les jaunes, mais non, en fait, même les jaunes, ils ont pas tous voté pour la même personne, en fait, c'est juste ça. C'est juste, il y a eu un vote pour Manu, il y a eu ah, un vote vrai, pour ouais. je sais pas qui, et après, il y a eu tous les quatre votes pour May. Tu vois, il y aurait pu avoir un ex-écho si les mecs s'étaient parlé. Mais non, même pas. Non, Marvin, elle a dit, moi, je m'en fous, je fais ce que je veux, et puis, ils ont pas essayé, quoi. Ils ont pas, je sais pas s'ils ont eu la flemme, ou s'ils avaient peur, mais en tout cas, voilà, ils ne l'ont pas fait. Non, mais ouais, mais le problème, c'est qu'en part, ils ne vont pas faire long feu, quoi. Bah, je pense que, voilà, ce qu'ils se disent, c'est, écoute, on va atteindre la réunification tant que possible, et puis, de toute façon, la réunification a l'air d'être pour dans bientôt. Ils ont l'air tous d'être persuadés de ça, mais moi, je sais pas comment ils le savent. C'est ça que j'ai pas compris, en fait. Moi non plus. Donc à voir. Marvin, pour le coup, il sait qu'il est assez safe parce que Maxime, en gros, il sait que ce sera le dernier des jaunes à partir. Avant lui, il y aura, comment il s'appelle ? Il y aura Tiffany, et l'autre, c'est qui ? L'autre qui fait les jaunes, c'est... L'autre qui a fait les jaunes... Putain. C'est Magali. Ah, c'est Magali. Tout à fait. Ah, Magali, elle est bien aimée aussi, parce que Magali, elle est chouette. Donc voilà, ce serait les deux, à mon avis, qui restent. Écoute, on verra bien, mais en tout cas, voilà. En fait, le problème, c'est que bon, on en parlera quand on aura nos avis sur l'épisode, mais j'ai trouvé que du coup, ils ont fait durer... Bah écoute, tu peux enchaîner. Bon, je vais parler déjà de cette partie-là. Bon, j'ai trouvé que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en général, après l'épreuve d'immunité, je perds vraiment beaucoup d'intérêt pour... Totalement. Pour les épisodes. Totalement. J'accélère les conseils, je ne supporte plus les conseils, je trouve que c'est long. Je veux dire, en vrai, moi je jump au résultat en fait, parce que je regarde un peu ce qui se dit pendant quand ils se clashent, tu vois, et après je jump au résultat, j'enlève le moins, ils vont voter, j'enlève le dépouillement, et je jump au résultat parce que j'en ai marre, et voilà, à tout le moment où il y avait bon, est-ce qu'on vote pour May, est-ce qu'on vote pour Tiffany, ouais, on sait pas, et les autres, ouais, qu'est-ce qu'on fait, bon, on fait rien. Ça a pris genre 20 minutes, je pense, alors que ça pouvait être condensé en 5 minutes, et c'était très très chiant. Mais sinon, le confort était super cool. En fait, le confort a sauvé l'épisode, je pense. Le confort et le délire de l'île du paradis perdu qui est utilisée d'une nouvelle manière et dans laquelle on se focus pas sur la recherche des coffres. Mais sur la relation entre les deux équipes et le pacte, la stratégie des anciens. C'était intéressant. Ça, c'était intéressant, effectivement. Le pacte des anciens pourrait être assez terrifiant dans le côté où s'ils suivent ce truc-là, ça peut être chiant à regarder. Mais je pense que là, il y a eu les graines de la discorde qui ont été semées avec cette histoire de vous avez trop célébré. Voilà, je pense que ça va partir en couille. Et je pense que de toute façon, il y a des relations qui sont en train de se nouer avec des jeunes. Et en gros, quand ils vont se réunir, ils vont dire, il y en a qui vont dire, bah non, moi je vais sauver André. Et d'autres ils vont dire, non, désolé, moi je vais sauver Marvin. Et ça va être le bordel. Tu vois, ça va être intéressant. J'espère que ça va se passer comme ça. Mais effectivement, je rejoins ton avis sur le problème de rythme. C'est toujours pareil, quoi. La seconde partie de l'émission, c'est... Oh là là, c'est toujours une plaie à regarder, quoi. C'est vraiment le moment où on décroche, quoi. Et bonjour le replay qui nous permet d'accélérer, parce que sinon, vraiment, on se fait chier, en fait. Toujours, les épreuves, je pense que vous l'avez compris, hein, c'est toujours la même chose. Et ouais, là, en fait, il y a toujours une séquence de... pas intéressante parce qu'ils sont pas bons en stratégie, en fait. C'est toujours le même problème. Là, il y a eu des soupçons de... Ben, il y a des soupçons de trucs, tu vois, des tentatives, mais c'est toujours ultra léger, tu vois. À part le coup de... le joli coup de Théotime, il y a deux épisodes, vraiment, là, il y a pas grand-chose, quoi. En tout cas, rien qui ne se passe dans la fin de l'épisode. À partir de l'immunité, c'est toujours ennuyeux. Le vrai problème, c'est que le fait que les gens qui vont sur l'île du paradis perdu, ça doit être décidé de manière unanime. En fait, ça va être compliqué. Enfin, il faudrait qu'il y ait des anciens jeunes qui aillent sur l'île du paradis perdu. Et là, j'espère qu'au prochain truc, ils vont dire, écoute, mec, la dernière fois, il y a eu deux anciens. Là, on aimerait bien qu'il y ait des jeunes qui aillent, tu vois. Et qu'eux aussi, ils aient l'occasion un peu de se défendre et potentiellement de flip un peu la balance et de peut-être avoir des éléments pour lutter contre les anciens, quoi. À voir. À voir, effectivement. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Bon, eh ben écoute. Alors aujourd'hui, messieurs, dames, ça fait déjà assez longtemps d'émission. Deux épisodes couverts, donc on va éviter tout ce qui est Twitter, etc. On vous fera un bon compilé la semaine prochaine. Un point Instagram. Ouais. Eh ben écoute, attention, générique du point Instagram. Point Instagram. J'étais vraiment triste que Martha, elle parte. Mais vraiment, Et j'étais tellement triste, et je me suis dit, oh bah elle, j'ai vraiment envie... Moi, je suis énormément de candidats sur Instagram, sur Twitter, parce que je trouve que c'est assez intéressant. Peut-être que je ferai un point, d'ailleurs, sur les mecs qui tentent la reconversion en influenceur. Et je me suis dit, bon, écoute, j'allais follow Instagram Martha sur Instagram, et j'ai été beaucoup moins triste sur elle quand j'ai vu que son mec était moche comme un pou. Vraiment. Je me suis dit, qu'est-ce qu'une beauté pareille fait avec un laidron pareil? Il est pas beau. Oh, il est pas beau. Il a l'air gentil, après, il a l'air riche, et à mon avis, ça, Dieu sait que ça l'intéresse, là, Martha, mais il est pas beau, son copain. Donc, Martha, vas-y, quoi, je sais pas, moi, je verrais bien Martha avec Jérémy, de la saison précédente, par exemple, ça serait un beau couple, ça. C'est vrai. Et ouais, hein, t'as vu? Tu vois, l'autre jour, j'entendais quelqu'un qui disait, oh là là, dans les podcasts français, on se retient vraiment de trop tracher, c'est nul, personne donne vraiment son avis. Oh putain. Eh bien, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, cette personne n'a pas écouté Krolanta. Cette personne n'a pas écouté notre émission. Mais on est plus bienveillant quand même. On est plus bienveillant cette saison quand même. Il y a la règle de où je dis que c'est tous des débiles ne s'est pas vérifiée. n'a pas encore été vérifiée. Parce que c'est vrai que la saison précédente, à chaque épisode, je disais que c'était tous des débiles. Là, pas encore. Bah oui, mais en même temps, c'est quand même beaucoup mieux que la saison précédente. C'est pas tous des débiles, c'est vrai. Hein, alors, on passera tous les mêmes qui nous nourrissent chaque semaine et qui nous font plaisir avec les images de Yves. Et il y en a encore eu cette semaine sur Twitter, hein, avec Yves, c'est dommage, les appels à la famille, c'est ma spécialité. J'y allais comme un con au téléphone, c'est ma spécialité. C'est toujours très très drôle. C'est très très drôle. Allez, on va vous remercier pour cette semaine. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine, j'espère. On va éviter de faire des émissions trop longues. Peut-être avec Louis, j'espère. Il serait temps qu'on se retrouve tous les trois. Bah, on vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Twitter, @crawlantapodcast, sur Facebook avec le même nom. Nous écouter sur SoundCloud ou sur PodCloud. Un petit mot pour la fin, mon Louis, tu vois? Ouais, je vais faire un petit shout-out à Podcastéo. C'est le site qui fait des classements de podcasts. Ouais. Parce que ce mois-ci, on est deuxième en termes de, comment dire, de progression, en fait. Vu que au mois dernier, on n'avait pas fait de podcast, on a, je crois, plus 388% de plus d'écoute. J'étais mort de rire. Ça, c'est propre. Et ouais, bah écoute, voilà, dédicace à eux, parce que c'est du gros taf, en vrai, ce qu'ils font. Je crois qu'il y a quasiment bientôt une centaine de podcasts qui sont classés. On n'est pas très bien classé effectivement, mais j'ai vu qu'on était au-dessus de trucs que j'écoute, tu vois, notamment Dans ton rad, qui est un podcast qui interviewe des gens dans des bars, qui est très sympa. Donc voilà, je vous le conseille. Allez, hop là. Allez, ça sera le mot de la fin. Merci à tous et à la semaine prochaine. Gros bisous, salut, sous. nickel, incroyable générique, ouais. À la voix.